بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre شرح منظومة الآداب الشرعية. C'est un livre de l'imam شرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc dans le passage, on est toujours dans le chapitre Saun al-Jawarih. Saun al-Jawarih, ça veut dire protection du corps. Et protection du corps, c'est-à-dire protéger le corps des péchés qui peuvent les amener ou amener le corps au châtiment d'Allah. Et à des châtiments même dans la dunya aussi. On a parlé au début du danger de la langue et les péchés de la langue. Maintenant, on parle des péchés qui ont rapport avec le regard, les choses qui sont reliées avec le regard. Et on a parlé des dangers de regarder ce qui est haram et les causes que ça peut amener, c'est-à-dire le zina. Hein? Et au dernier cours, on a mentionné deux choses que la charia a établi parmi les moyens pour préserver les gens contre le zina, c'est-à-dire la fornication ou bien l'adultère. Et on a mentionné premièrement Raddul Basar, baisser le regard. Puisque lorsque tu baisses ton regard, ça évite que tu sois tenté et que tu aies des tentations. Puisque lorsque tu regardes ce qui est haram, eh bien ça peut faire monter tes désirs, et puis ça peut te faire tomber dans la turpitude et les péchés. Deuxièmement, parmi les choses qui sont des moyens pour empêcher le zina, on a mentionné al-hijab, c'est-à-dire le vêtement que la femme doit porter lorsqu'elle sort de chez elle et lorsqu'elle est en présence d'hommes qui sont étrangers à elle. C'est-à-dire lorsqu'elle est en présence d'hommes qu'elle peut potentiellement épouser. Alors, on a mentionné des choses qui ont rapport avec ce sujet et on a expliqué les règles. Maintenant, le cheikh, il mentionne un autre point que la charia a établi pour protéger contre le zina, et il dit ومن الأسباب الواقية تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له لا في بيت ولا في مكتب ولا في سيارة ولا في بر ولا في أي مكان لا بد أن يكون معهم من تزول به الخلوة أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا تحل له فالشيطان معهما وماذا يفعل الشيطان بين اثنين انفرد بهما سَيُوقِعُهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ. Donc le cheikh, il dit, parmi les choses qui font partie des causes qui empêchent quelqu'un de tomber dans le péché et dans le haram, il y a l'interdiction de l'isolement, de s'isoler avec une femme qui ne fait pas partie des femmes qu'on a le droit d'épouser. Ou bien plutôt une femme qui fait partie des femmes qu'on a le droit d'épouser. Ou qu'on a potentiellement le droit d'épouser. Donc une femme étrangère, si elle ne fait pas partie de nos... si on n'est pas parmi ses maharim, on n'a pas le droit de s'isoler avec elle et d'être seul avec une femme, avec cette femme-là, isolée dans une pièce fermée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, « Ma khala rajulun bimra'atin » C'est-à-dire que un homme ne va pas se retrouver tout seul avec une femme dans un endroit quelconque, excepté que le shaitan sera le troisième des deux. C'est-à-dire que le shaitan, il va être entre eux. Et lorsque cet homme et cette femme se retrouvent isolés et que le shaitan est avec eux, c'est certain que ça risque de les faire tomber dans la turpitude et le péché. Et donc, le cheikh, il dit donc qu'un homme ne doit pas rester seul avec une femme qui n'est pas licite pour lui, ni dans une maison, ni dans un bureau, ni dans une voiture, ni dans ni un endroit isolé dehors, c'est-à-dire dans la campagne ou dans un endroit isolé ou loin où ils sont seuls tous les deux, où il n'y a personne d'autre. Ou bien dans n'importe quel lieu, ils ne doivent pas s'isoler. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec les deux pour éviter que, justement, ils soient isolés et qu'ils soient seuls. Peut-être que l'homme, il va dire, « Oh non, moi, si je vais être avec cette femme, je ne vais pas être tenté. » Mais peut-être que c'est elle qui va être tentée. Et peut-être que elle, la femme, est avec cet homme, elle va dire, « Oh, moi, si je suis avec cet homme, je ne vais pas être tenté par lui. » Peut-être que c'est lui qui va être tenté. Et peut-être que c'est les deux qui vont être tentés en même temps. Ou peut-être que c'est ni un ni l'autre, mais le shaitan qui vient entre les deux, qui les incite et qui fait en sorte que parfois les choses, même si au début ça part avec l'innocence, comme on dit, mais petit à petit les choses se produisent, puis les gens parfois ils réalisent même pas. Donc ça c'est pour éviter justement que ça arrive à ça. Combien de gens qui sont tombés dans des turpitudes et dans des péchés, par la suite, ils ont perdu leur réputation, ils ont perdu leur honneur, ils ont perdu beaucoup de leur respect parce que justement, ils sont tombés dans ce péché-là. Et tu vas dire, si cette personne s'était pas isolée avec une femme, ou si cette femme s'était pas isolée avec un homme, ce serait jamais arrivé. Mais c'est des gens qui parfois, il y a des gens qui font par exemple des discours qui parlent de certains sujets, et lorsqu'ils parlent de la mixité, parce que là on ne parle pas de la mixité, on parle de al-khalwa. Al-khalwa, c'est l'isolement. La mixité, le mot en arabe, c'est al-ikhtilat. Al-ikhtilat aussi, ça fait partie des causes. Mais le cheikh ici, maintenant, il ne parle pas de l'ikhtilat, il parle de al-khalwa. Et donc, quand quelqu'un, par exemple, certains modernistes ou certains musulmans qui parlent des relations hommes-femmes en islam, ils essaient de se faire passer pour des modernistes. Et ils disent, c'est pas grave si des hommes s'assoient avec des femmes et qu'ils travaillent ensemble pour un travail islamique, soi-disant. Ils disent, c'est pas grave, on est des adultes. On est des adultes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on est des adultes? Parce qu'on est des adultes, ça veut dire qu'on est protégé de tomber dans le péché? Au contraire, c'est parce qu'on est des adultes qu'on devrait justement faire attention encore plus. Parce que des enfants, en général, ils ne pensent même pas à des idées ou à des pensées mauvaises. Mais des adultes, c'est eux qui ont justement les pensées parfois qui vont les amener à tomber dans des péchés comme ça. Donc, quand on entend ce genre de discours-là, eh bien, on doit se méfier. Ces gens-là qui disent, on est des adultes, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et les koufars, ils sont toujours comme ça en train de dire, mais non, on est des adultes, on est capable de se contrôler, et ainsi de suite. Pourtant, c'est eux qui sont les premiers à tomber dans le haram. Soit ils tombent dans le zina avec le consentement, ou bien soit ils tombent dans le viol, ou l'agression, ou l'harcèlement, ou des choses de ce genre. Après, le cheikh, il dit donc que donc dans un s'ils sont dans un endroit, ils doivent pas s'isoler. Et il dit tandis que il dit si par exemple dans cet endroit-là, il n'y a seulement un homme et une femme, alors c'est sûr que le shaitan, il va être avec les deux. Et le shaitan, il va faire quoi entre ces deux-là lorsqu'ils seront tout seuls? Eh bien, ils vont les faire tomber dans al-fahisha. Après, le cheikh, il dit wa min al-asbab al-wafiya. Min al-asbab al-wafiya ou al-waqiya, pardon. Tahrimu safar al-mar'ati biduni mahram. لأنه سبب لوقوع الجريمة لأنه يتسلط عليها الفساق وإذا كان معها محرم فإنه يعني يطردهم ويصونها عنهم المحرم له هيبة وله مكانة فإذا سافرت بدون محرم يعني تسلط عليها الفساق وطمعوا فيها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ومعها ذو محرم يصونها من الفس عن الفسقة ولا سيما أنها أبعدت عن بلدها وعن أهلها وعن قرابتها فيطمع فيها الفساق أكثر وهي ضعيفة ضعيفة الجسم وضعيفة العقل وضعيفة الدين أيضا حتى ولو كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق يطمعونها ويوقعونها إما بالقوة وإما بالرغبة فالمرأة ضعيفة مهما كانت تنفعل مع المغريات ولا تدافع عن نفسها. Donc le cheikh il explique que parmi les causes qui amènent les gens à tomber dans le zina, il y a le fait que la femme, par exemple, elle voyage sans mahram. Donc, pour éviter et pour protéger les gens de tomber dans le zina, l'islam a interdit à la femme de voyager seule. Elle n'a pas le droit de voyager seule sans avoir un homme mahram avec elle. Et il dit la raison de ça, c'est parce que si elle voyage seule, ça risque de faire en sorte qu'elle tombe dans un crime ou dans un péché quelconque. Et pourquoi? Parce qu'il y a des pervers, il y a des hommes pervers, il y a des loups. Hein? Il y a des hommes qui sont des loups, comme des loups pour les femmes. Et lorsque la femme marche avec son mahram, eh bien c'est comme si elle marchait avec son berger, un mouton qui marche avec le berger. Il protège la femme contre les agresseurs potentiels ou contre les dragueurs. Hein? Il y a des hommes parfois, ils ne veulent pas nécessairement l'agresser, cette femme ou cette fille. Mais ils veulent commencer à venir lui roucouler des belles paroles et essayer de la draguer avec des paroles mielleuses pour essayer de d'avoir des contacts avec elle. Ils vont lui dire... ils vont lui demander ses contacts, ils vont lui demander un numéro ou une adresse ou quelque chose pour être capable de les contacter ou des choses de ce genre. Peut-être que la femme, elle sera assez forte et elle sera assez intelligente pour refuser les avances de ces gens-là. Mais il y en a qui arrivent parfois à le faire parce qu'ils sont il y en a qui sont des professionnels dans ça. Hein, des dragueurs professionnels, comme on dit. Et si la fille, elle est, elle est vulnérable, elle est jeune, elle est innocente, elle ne connaît pas, alors elle risque peut-être de se faire avoir. Naam. Mahram? Non. Mahram, c'est pas le tuteur. Le tuteur, c'est plutôt le wali. Parce que le tuteur, c'est celui qui a la garde légale ou bien qui s'occupe de la personne. Tandis que le mahram, il n'y a pas d'équivalent. Ce serait peut-être le chaperon. Un chaperon, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour protéger la femme. Mais en islam, le mahram, c'est quelqu'un qui a un lien de parenté ou un lien de sang qui fait qu'elle n'a pas le droit d'épouser cet homme-là. Il n'y a pas de... Hein? Oui, qui lui est interdit. de marier. Donc c'est pas, il n'y a pas un terme que moi je connais en français qui vaut à ce mot-là. Donc il faut juste écrire mahram. Ouais, non, je comprends, mais tu leur dis en arabe, puis tu leur expliques qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ça fait partie des spécificités de l'islam. Ouais, parce qu'ils mélangent tuteur puis mahram. C'est un des problèmes aussi des traductions. C'est que des fois, les gens, ils cherchent un terme exact d'une langue à l'autre. Et pour des choses, quand c'est des mots qui contiennent des concepts et que ces concepts-là sont étrangers à ce qu'on connaît chez les chrétiens ou chez les juifs ou chez les occidentaux de façon générale, ou dans la langue française, on ne connaît pas ce principe-là, alors il faut soit inventer un nouveau mot qui n'existe pas pour l'expliquer, ou bien il faut juste utiliser le mot original. Et puis expliquer qu'est-ce que ça signifie en français. Et peut-être qu'à force de l'employer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va devenir un mot français par la suite. Hein? Souvent, c'est comme ça en anglais, il y a beaucoup de mots qui rentrent dans l'anglais, parce que l'anglais, elle est assez flexible. Tandis que en français, c'est différent, puisque c'est l'académie de la langue française qui décide quel mot rentre, quel mot rentre pas dans la langue. À la kulli hal, nous on peut juste dire mahram. Il faut résister à la tentation de vouloir tout traduire en français et garder certains termes ou certaines terminologies en arabe, justement pour garder la pureté des principes islamiques et éviter de la confusion dans la tête des gens et dans la compréhension des gens lorsqu'on parle de certains sujets. Donc ici, le cheikh, il explique que le mahram, il a son, c'est-à-dire que al-hayba, ça veut dire les gens qui, quand ils voient une femme et qui marche avec un homme à côté d'elle, ils vont pas oser aussi facilement s'approcher d'elle pour lui parler. Hein? Parce qu'ils savent qu'il y a un homme qui est à côté d'elle, donc c'est pas pareil. Tandis que si cette même femme, elle était toute seule et qu'il n'y avait pas d'homme à côté d'elle, peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient osé venir l'approcher et venir essayer de lui parler. Donc ça, c'est une chose donc qui protège la femme, le fait qu'elle voyage, surtout dans le voyage. Lorsqu'elle voyage, elle a son mahram avec elle. Parce que le mahram, il a son respect. Le mahram, il a son importance. Et lorsqu'elle voyage seule, la femme, eh bien, les pervers, ils peuvent la convoiter. Ils peuvent avoir envie d'aller lui parler ou de s'approcher d'elle ou ainsi de suite. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager, excepté si elle a avec elle un mahram. Naam. Il faut que ce soit quelqu'un qui a atteint la puberté au moins, pour être capable de comprendre. Puis aussi, en même temps, c'est sûr que si c'est pas un adulte, ça va pas avoir le même impact. Malgré que ça peut quand même être une protection, mais ça va pas être aussi effectif que si c'est avec un homme qui est yani, qui a un certain âge et puis qui est plus imposant, qui va justement faire en sorte que les hommes osent pas venir lui parler. Si c'est un petit garçon qui est avec elle, peut-être que l'homme va dire ça, c'est son frère, c'est son petit frère et ainsi de suite. Il va peut-être quand même essayer de lui parler à la fille. Et si elle est pieuse, cette fille-là, si elle n'est pas pieuse, elle peut justement trouver un moyen pour occuper le petit là, pour l'éloigner un petit temps pour pouvoir justement se permettre d'échanger des propos ou des paroles avec un homme étranger, tandis que si c'est un adulte, une personne qui a toute sa raison puis qui comprend les choses, il va pas se laisser détourner facilement comme ça. D'accord? Donc il faut tenir compte de ça. Aussi, le cheikh, il dit ensuite, donc le but du mahram, il va la protéger contre les hommes pervers, et surtout quand la femme est loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses proches, alors elle est plus vulnérable et plus susceptible d'être approchée par les pervers parce qu'elle est faible. Elle est faible physiquement, elle est faible et psychologiquement parfois. Aussi, elle peut être même faible dans sa religion. Et donc, par conséquent, yani, même si elle est religieuse, c'est facile pour un pervers hein, de la convoiter, puis d'essayer de yani, la tirer vers lui, ou bien de l'agresser, soit par la force, ou bien de l'attirer, yani, en lui parlant d'une façon pour la faire yani, venir d'elle-même. À la kulli hal, la femme elle est faible, peu importe la situation, et donc elle se laisse souvent aller dans les tentations et dans les, hein, dans la séduction, et elle se protège pas bien elle-même. Le cheikh il dit: wa kadhalika min asbab al-wuqu' fi al-fahishati anna al-mar'a talinu fi al-qawli ma'a ar-rajul. Donc parmi les autres choses qui font partie des causes et qui font que les gens yani, peuvent être yani, tentés à tomber dans la turpitude et dans le péché, c'est lorsque la femme, lorsqu'elle parle avec une voix douce, avec des hommes étrangers. Donc le cheikh, il explique, il dit: كذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في القول أو تلين في القول مع الرجل وتضحك معه وتمازحه فيطمع فيها. يعني قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة إذا رخمت الكلام وزينت الكلام والنطق للرجل وضحكت معه ومازحته يعني طمع فيها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يعني قولا ليس فيه خضوع وليس فيه لين ولا فيه مغازلة ولا فيه ضحك قولا بقدر الحاجة وليس فيه طمع. Donc ici le cheikh il dit que la femme, donc elle doit pas adoucir sa parole, commencer à rire avec un homme, commencer à rigoler avec lui, commencer à plaisanter avec lui, hein, pour que lui, il commence à désirer cette femme ou commence à la convoiter et à penser à elle, pour être attiré à elle. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 32, dans Sourate Al-Ahzab, alors qu'elle ne soit pas complaisante dans sa parole, pour que celui qui a une maladie dans le cœur commence à yani, la désirer hein, ou souhaiter quelque chose avec elle. Et donc la femme, quand elle embellit sa parole, quand elle adoucit sa voix, yani, quand elle commence à rire ou à rigoler avec l'homme, il va commencer à être attiré par elle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé cette porte hein, et il a interdit à la femme de parler de cette façon. Yani, d'une façon séductrice, comme si la femme elle essaie de séduire l'homme, ou bien elle essaie de lui parler d'une manière douce pour l'attirer, ou des choses de ce genre. Donc, elle ne doit pas parler de cette façon-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa qulna qawlan ma'rufa. C'est-à-dire qu'elle dise une parole, yani, selon la bienséance, selon qu'est-ce qui est yani, respectable. une parole normale, qu'elle parle d'un ton normal, sans rajouter de la douceur dans sa voix, sans commencer à y en y roucouler, hein? Sans commencer à rire ou à plaisanter avec l'homme, ou lui faire des sourires, hein? Mais plutôt elle lui parle d'un ton normal, d'un ton sec, et sans qu'il y ait aucun désir dans sa voix, ou sans que ça crée du désir chez l'homme. Et selon selon le besoin, c'est-à-dire elle va pas parler plus que qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est nécessaire. Et en est des fois dans certaines sociétés, je sais pas, les femmes elles parlent déjà comme des hommes. C'est comme si elles ont pas aucune féminité. Donc les hommes, sont pas attirés par la voix des femmes. Parce que leurs voix sont pas des voix de femmes, c'est des voix d'hommes. Et leur façon de parler, c'est comme un homme. Parce que les filles, dans ces sociétés-là, surtout les sociétés de couple, les femmes, tellement elles grandissent avec des hommes, elles finissent par devenir comme des garçons. Des garçons manqués, comme on dit, hein? Elles développent des caractéristiques de garçons. Alors que dans des sociétés où les femmes sont éduquées, justement avec des caractéristiques plus féminines et qu'on leur apprend justement leur rôle et qu'elles savent qu'elles sont différentes des hommes, elles ont cette douceur, cette féminité, cette façon de parler qui est plus attirante. Hein? Et surtout si elles font exprès pour s'adoucir leur parole ou leur façon de parler, alors là, ça va avoir encore plus d'effet. Non. En fait, la femme, quand je dis ça, par exemple, le fait que certaines femmes elles parlent comme des garçons, c'est pour dire que pour certains, ça fait aucune différence. C'est-à-dire, la femme, c'est pas une femme vraie. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non. C'est pas une bonne chose parce que la femme, elle ne doit pas imiter l'homme. Mais en même temps, elle ne doit pas faire exprès pour adoucir de façon exagérée sa voix. Par exemple, la femme, la façon comment elle parle avec son mari, c'est pas la même façon comment elle va parler avec l'épicier quand elle va acheter quelque chose, elle lui demande s'il y a des carottes ou des choses comme ça. Elle va pas lui sourire puis commencer à lui dire des paroles douces. Hein? Donc, il faut qu'elle fasse la distinction entre la parole qu'elle fait pour son mari et la parole quand elle parle avec un étranger qui demande quelque chose, ou bien elle qui a besoin de quelque chose, elle appelle au téléphone pour demander un renseignement quelque part, ou bien elle va quelque part dans un bureau, à l'hôpital ou quelque part, elle a besoin de demander un renseignement, elle parle d'un ton normal. Elle va pas commencer à adoucir sa voix pour... Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils travaillent. Ils vont à l'école, ils sont dans la mixité. Ils vont au travail, ils sont dans la mixité. Partout où ils sont mélangés avec des femmes. Et les femmes mélangées avec des hommes. Et à l'école, depuis l'enfance, primaire, secondaire, collège, cégep, université, toujours mélangés avec des femmes, les femmes avec les hommes. À la base, comme on avait expliqué déjà dans d'autres cours, même dans les sociétés européennes, dans les sociétés nord-américaines, dans le passé, les écoles n'étaient pas mixtes. Il y avait la séparation entre les garçons et les filles dans les écoles. Et même aujourd'hui, si vous regardez ici, par exemple, à Montréal, dans les écoles catholiques, eh bien, dans les entrées des portes, dans les cours d'école, il y a encore écrit parfois certaines écoles, c'est écrit entrée des garçons. Puis l'autre côté, entrée des filles. Ça a changé à une certaine époque quand les mentalités ont changé, les gens sont devenus moins religieux, hein, et qu'ils ont commencé à dire que le fait de mélanger les garçons et les filles, soi-disant, ça va aider les garçons et les filles à mieux se connaître, puis ça va faire en sorte qu'il y aura plus de respect. entre les hommes et les femmes, et il y aura moins de violence et des choses de ce genre. Or, après toutes ces années, on constate que y a pas plus de violence et il n'y a pas plus de compréhension entre les hommes et les femmes, il n'y a pas plus de respect non plus. Bien au contraire. Donc ça, c'est un point important. Un autre point, le cheikh, il mentionne, il dit « وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْوُقُوعِ » Non, parce que quand je porte le masque, on porte le masque, puis quand je parle en même temps, qu'est-ce qui arrive à force? La barbe commence à rentrer dans ma bouche. Alors, à chaque fois, je suis obligé de souffler pour sortir ça. Donc, il dit le cheikh, « وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ التَّبَرُّجِ وَهُوَ ظُهُورُ الْمَرْأَةِ بِزِينَتِهَا في الشوارع وفي الأسواق تتزين وهذا هو التبرج التبرج هو التزين فلهذا نهيت المرأة عند الخروج أن تكون متزينة متعطرة لأنه يطمع فيها أو يعني يطمع فيها الفساق أو يطمع فيها الفساق ويطمعها أو يطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وهذا من أسباب الوقوع في الفاحشة. Donc ici il dit le cheikh, il y a une autre raison ou une autre cause qui fait que parmi les causes que les gens tombent dans le péché, dans le zina et la turpitude, c'est at-tabarruj. At-tabarruj, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque la femme, elle laisse paraître ses atours, ses parures. Et ça comprend quoi? Ça comprend tout ce que la femme peut laisser montrer de ses atours et de ses parures, et aussi tout ce qu'elle fait pour s'embellir elle-même. Soit dans ses vêtements, soit sur son corps, qu'est-ce qu'elle fait comme, par exemple, maquillage. Comment elle arrange ses cheveux, les vêtements qu'elle porte, la façon comment elle les porte, qu'est-ce qu'elle montre de son corps, qu'est-ce qu'elle cache de son corps, sa démarche, naam, parce qu'il y a des femmes qui ont une démarche, c'est fait justement pour faire de la fitna, les chaussures qu'elle porte, ça peut être une forme de tabarruj. Tout ça, c'est tabarruj. D'accord? Les bijoux. Hein? Les bijoux. Le parfum. Exactement, le cheikh, il mentionne ça, le parfum. Donc ça, c'est des choses qui font partie de qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tabarruj. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a interdit le tabarruj dans le Coran. Dans le verset 32, dans surat al-Ahzab, il dit... ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Donc il dit, yani que la femme elle doit pas exhiber sa beauté et ses charmes et sa parure, hein, et ses atours lorsqu'elle sort. Aujourd'hui, surtout dans les pays de kufr, comme ici par exemple, les femmes, on les voit exhiber tout ce qu'elles ont comme atours. Et elles font le maximum pour, justement, que ce soit exhibé le plus possible. D'accord? Donc, c'est vraiment le travail du shaitan, à 100%. Pour égarer les gens, pour égarer les hommes et pour égarer les femmes du droit chemin. C'est ça, ça fait partie des objectifs du shaitan. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est ça, c'est justement que dans une société comme celle-ci, société de coffre, de mécréance, où les gens, à chaque jour, on entend un nouveau scandale dans les médias parce qu'il y a tout le temps des agressions, puis tout le temps des viols, tous les jours. Et malgré ça, ils disent non, c'est pas la faute de la femme, c'est-à-dire c'est pas à la femme de changer sa façon d'être. Ou de la façon de s'habiller. C'est-à-dire que même si la femme, elle s'habille comme une femme qui travaille dans la rue, qui fait le trottoir, comme on dit parfois, Même si elle est habillée comme ça, eh bien, c'est-à-dire, il n'y a aucun blâme qui doit revenir à elle de sa façon de s'habiller, par rapport à sa façon de s'habiller, si des hommes la regardent ou des hommes font quoi que ce soit, parce que elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Il y a un comédien qui, j'avais entendu ce comédien qui faisait une blague une fois. Et c'est pas une blague, parce que qu'est-ce qu'il disait, c'est la vérité, c'est une chose réelle. Mais parfois, souvent, les comédiens, ils font rire les gens par des paroles de vérité, parce que les gens sont tellement pas habitués d'entendre des paroles vraies, que lorsqu'ils entendent la vérité, ça les fait rire, hein. Et qu'est-ce qu'il expliquait, c'est, il disait par exemple qu'il y a par exemple, une femme aujourd'hui, si elle s'habille d'une manière qui est, comme par exemple comme une prostituée par exemple, ou une femme qui elle laisse paraître tout son corps, puis elle se couvre pas, elle n'est pas habillée modestement ou pudiquement, elle va dire, elle dit par exemple, le fait que je sois habillée de cette façon ne doit pas te faire penser ou te faire croire que tu as le droit de me parler de n'importe quelle manière, ou de me dire n'importe quelle chose, ou de me traiter de n'importe quelle façon. Hein? C'est-à-dire, même si je suis habillée comme ça, tu dois me respecter. Hein? Alors, lui, il a fait une analogie. Hein, il a dit, supposons que moi je sors dans la rue habillé comme un policier, avec le costume de policier, hein, l'uniforme, la casquette et tout, et que je marche dans la rue. Et une femme qui vient me voir puis qui m'appelle au secours, elle vient et me dit, Monsieur l'officier, venez m'aider. Il y a quelqu'un qui veut me faire ça, ou qui fait ci, ou qui fait ça. Il faut absolument que vous veniez m'aider. Est-ce que moi, je serais en droit de dire, ou j'aurais raison de lui dire, hé, attention, c'est pas parce que tu me vois habillé comme un policier que ça voudrait dire que je suis automatiquement un policier, et que tu dois me parler de cette façon. Tu dois pas me parler comme un policier, même si je suis habillé en policier. Donc tout ça pour dire que, comme on dit souvent, l'habit fait pas le moine, mais aussi l'habit fait le moine. Parce que si un moine s'habillait pas en moine, tu pouvais même pas savoir qu'il est moine. Hein? Et l'apparence, elle a son importance. Même par exemple, les musulmans qui disent, on peut s'habiller comme on veut, il n'y a pas de problème. Si tu veux mettre un veston, cravate, ou bien mettre les vêtements comme les pantalons, jeans, hein, les t-shirts, tu marches avec ça. Il n'y a rien qui est interdit, c'est pas interdit dans l'islam. Il y a beaucoup de musulmans qui disent ça. Sauf que il n'y a pas de doute malgré tout que lorsque le musulman qui s'habille va s'habiller de cette façon-là, et qu'il va marcher dans la rue dans un pays non musulman, eh bien c'est clair que il va pas se faire remarquer comme étant un musulman, parce que personne va savoir de l'extérieur qu'il est musulman. Tandis que lorsqu'il va s'habiller avec un qamis, hein, il va porter une taqiya sur sa tête, il a sa barbe, automatiquement les gens, ils le reconnaissent comme étant un musulman. Les musulmans le reconnaissent comme un musulman, et les non-musulmans le reconnaissent comme un musulman. Et l'effet que ça va avoir, ça, pas seulement sur lui, pas seulement sur les autres, mais sur lui-même aussi. Parce que lui-même, il est conscient de la façon dont il s'habille et de l'effet qu'il a sur les autres quand les autres le voient. Et ça va lui rappeler et lui donner une certaine conscience de qui il est et de qu'est-ce qu'il représente. Tandis que si il s'habille comme tous les autres personnes dans la rue, il n'a pas cette conscience-là. Et peut-être même qu'à la limite, il va se dire à lui-même, finalement, je peux faire ce que je veux puisque de toute façon, personne ne va me reconnaître comme étant différent. Hein? Et peut-être que ça va être plus facile pour lui de se permettre de faire des choses haram lorsqu'il est habillé de cette manière-là que s'il était habillé différemment. Il y en a pour certains, dans certains cas. Alors, il y en a, la façon dont il s'habille, ça ne dérange pas parce que il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas un vêtement spécifique pour dire ça, c'est un vêtement qui est soi-disant islamique, religieux, que si tu t'habilles comme ça, tu es religieux. Si tu t'habilles pas comme ça, tu n'es pas religieux. Non. Parce que même dans les pays musulmans, tout le monde s'habille comme ça. Même les non-religieux ou ceux qui sont moins pratiquants ou ceux qui font des péchés s'habillent de la même manière. Donc tu ne vas pas considérer que quelqu'un qui s'habille comme ça, il est automatiquement religieux parce qu'il s'habille de cette façon. Mais dans les pays non musulmans, ça a une autre signification. Et ça a une autre importance puisque c'est sur le point de se distinguer des non musulmans. Et ça a son importance. Et la femme, elle, la femme musulmane, est doublement concernée par ça parce que non seulement elle doit se distinguer des femmes non musulmanes, mais en plus de ça, elle se voile. Et elle s'habille de cette façon-là parce que c'est une obligation pour elle, dans la religion, de se couvrir et de ne pas montrer ou exhiber ses parures et ses atours et ses charmes et sa beauté. Et c'est là que tu vois, par exemple, l'absurdité des filles musulmanes aujourd'hui qui font des vêtements de mode et qui portent le hijab avec une tonne de maquillage sur leur visage, c'est-à-dire elle porte un foulard, mais quand tu la regardes son visage, c'est comme si c'est sa nuit de noces ce soir. Pourquoi? Parce que il y a comme une sorte de, comme je disais, les gens ils portent le vêtement, mais ils oublient qu'est-ce qui vient avec, qui est encore plus important encore, c'est la foi. C'est le comportement, c'est l'attitude qui doit venir avec, pas seulement le vêtement. Le vêtement, il est important, mais il n'est pas plus important que la foi et l'iman et la connaissance et la compréhension et la piété. Hein? Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, la femme musulmane. Hein? Il y en a des femmes, des fois tu entends certaines femmes qui disent, lorsqu'une fille porte le voile, elle dit, oh, tu es belle avec le voile. Le but du hijab, c'est pas d'être belle. Et si, en portant le voile, tu es belle, et ça veut dire qu'il y a un problème avec ton voile, il y a un problème avec ton hijab. Parce qu'en principe, une femme, lorsqu'elle porte son hijab, on ne devrait pas pouvoir savoir si elle est belle ou non. Puisque c'est ça le but, qu'on ne sache pas qu'elle est belle. Et il y a des femmes parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Il leur donne la compréhension et la fitra. Et leur fitra et en plus la connaissance et la compréhension. Et il y a des exemples de ça que j'ai entendus qui m'ont vraiment parfois étonné et vraiment grandement surpris de voir à quel point certaines femmes sont très intelligentes et sont très sérieuses dans leur religion. Et l'exemple d'une sœur en particulier qui, après s'être convertie à l'islam, a commencé à porter un foulard, comme les femmes portent en général le foulard sur les cheveux, puis peut-être une longue tunique ou une longue robe, mais ce n'est pas nécessairement le hijab shar'i à 100% correct. Et cette femme-là, elle disait, j'ai commencé à porter le foulard. Hein? Et j'allais dans les magasins, je sortais parfois faire des courses, Et malgré que j'étais voilé comme ça, des hommes venaient me parler, ou certains musulmans même s'approchaient de moi pour me demander si j'étais marié ou non, ou des choses comme ça. Alors elle a dit, mais qu'est-ce que je fais? Hein? Elle a dit, mais qu'est-ce que je fais de pas correct? Comment ça se fait que malgré que je suis voilé, les hommes, ils continuent à venir me parler? Il y a quelque chose qui est pas correct. Je suis sûr que la façon que je me voile, c'est, il y a quelque chose qui manque. Eh bien, justement, elle a fait des recherches, elle s'est renseignée, elle a commencé à chercher plus. Et puis là, elle a compris que le hijab qu'elle portait, ce n'est pas le hijab shar'i. Hein? Et puis elle a compris aussi qu'elle devait se couvrir le visage. Donc elle a décidé de commencer à couvrir son visage. Elle dit à partir de ce moment-là, elle ne s'est plus jamais faite embêter par des hommes dans la rue parce qu'elle s'est couverte comme il faut, selon les conditions de la charia. Et elle a caché son visage. C'est fini. Hein? Elle ne s'est plus jamais faite embêter. Donc tout ça pour dire que parfois il y a des femmes qui sont conscientes, puis qui sont consciencieuses de la réalité de leur religion et des respects de leur foi et de leur religion, et qui agissent en conséquence. Et mashallah, donc c'est pour dire que il y en a quand même des femmes qui sont sur le droit chemin et qui veulent s'accrocher à leur islam, peu importe la pression médiatique, peu importe la pression sociale, peu importe la pression familiale qui est sur elles pour qu'elles enlèvent leur hijab. Parce que les koufars, ils parlent souvent de la pression. Ils disent, oh, ces jeunes filles, ces femmes musulmanes, elles ont de la pression de leur mari, de leur famille pour porter le hijab. Eh bien, souvent, c'est tout à fait le contraire. S'il y a des pressions, comme ils prétendent, eux, pour qu'il y ait yani, le hijab, il y en a bien plus pour qu'il n'y en ait pas de hijab. Il y a plus de pression pour que la femme enlève son hijab que de pression pour qu'elle le mette. Hein? Parce que lorsqu'une fille, par exemple, musulmane, qui grandit dans une famille qui porte pas le hijab et qui pratique pas la religion, décide de le porter, son père va être contre elle, sa mère va être contre elle, la société va être contre elle, hein? Son travail va être contre elle, dans certains pays, même la loi va être contre elle. Tout ça pour dire que lorsqu'une femme décide de le porter, décide d'aller à contre-courant dans une société où ce qui est mis en valeur, c'est l'exhibition de la nudité et l'hypersexualisation des femmes et des filles de plus en plus jeunes. Alors, c'est vraiment la femme qui a décidé de s'accrocher à sa religion fermement et d'aller à contre-courant, de résister au conformisme de la société et de vouloir être comme tout le monde. Hein, d'aller à contre-courant, puis de dire non. C'est pas parce que tout le monde vit ou fait de cette chose-là ou vit de telle façon que moi je vais les suivre pour aller en enfer avec eux. Non. Donc ça demande de la foi, ça demande de la fermeté, ça demande de la force, ça demande de la personnalité, ça demande yani, du caractère. Hein. Ensuite, le cheikh, il dit donc que ça, donc, d'éviter le tabarruj, de ne pas tomber dans le tabarruj, c'est parmi les choses qui empêchent les gens de tomber dans al-fahisha. Et le cheikh, il termine ça en disant: وَتَجِدُونَ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَدَّ الطُّرُقَ كُلَّهَا الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْفَاحِشَةِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ وَهِيَ الزِّنَا وَأَعْظَمُ أَسْبَابِهَا وَأَوَّلُ أَسْبَابِهَا النَّظَرُ ولهذا بدأ الله به فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس. والسهم معناه الذي يرمى ويخرق الجلد ويخرق اللحم. ووصفه بأنه مسموم، ووصفه بأنه من سهام إبليس. وقد تقول: أنا يقع نظري على امرأة بدون قصد. نقول: النظرة الأولى ليس عليك، ليس عليك فيها إثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ، أما إذا تابعت النظر، نظرت إليها مرة ثانية، فهذه هي المحرمة وهي الممنوعة لأنها بقصد. Donc le cheikh il termine ça en disant, et vous allez trouver donc que l'islam a fermé tous les chemins et toutes les portes qui peuvent amener les gens à tomber dans la turpitude, dans la fornication ou l'adultère. Et ça, c'est ce qui nous indique à quel point ce péché-là est dangereux. Parce que s'il n'était pas si dangereux, il n'aurait pas pris tant de précautions pour nous préserver de tomber dans ce péché-là. Et il dit donc que parmi les causes les plus grandes qui font que quelqu'un puisse tomber dans le zina, il y a le regard. Ça commence par le regard. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Et il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches que lance le diable. La flèche, on sait ce que c'est, hein? C'est yani, un genre de bâton là, avec une pointe effilée, pointe en métal qui est en général qui est coupante, et tu la tires avec un arc. Ça traverse la peau, ça traverse la chair. Et en plus, il l'a décrit comme étant empoisonné. Donc c'est une flèche, même si elle ne tombe pas dans un endroit qui est vital, mais parce qu'elle est empoisonnée, elle risque peut-être de tuer malgré tout. Et donc, et il l'a décrit également comme étant une flèche parmi les flèches du diable. Donc c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit que peut-être quelqu'un va dire: oui, mais parfois, moi, ça peut arriver que mon regard tombe sur une femme sans faire exprès. Hein? Est-ce que là, je vais être empoisonné? Est-ce que je vais être touché par une flèche du diable à ce moment-là, alors que j'ai même pas fait exprès? Et le cheikh, il dit, on dit à ce sujet-là que le premier regard, il n'est pas contre toi, t'as pas de péché au premier regard. Ton péché, c'est seulement si tu regardes la deuxième fois. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier regard est à toi, le deuxième, hein, il n'est pas à toi. C'est-à-dire que si tu regardes, si par hasard ton regard tombe sur une femme dans la rue, sans faire exprès, alors tu détournes ta tête, alors tu n'as pas de péché. Mais si tu regardes une deuxième fois, là, tu as commis un péché. Aussi, ton premier regard, il ne faut pas que ce soit un regard de 2-3 minutes. Hein? Tu vas dire: ah, mais ça, c'est le premier regard, c'est pas un péché. Puis tu continues à regarder pendant un long moment. Tu fixes. Non, ça, c'est pas un... Ça devient un péché. On parle du regard accidentel. Le cheikh, il dit donc que si tu regardes une femme sans faire exprès, tu ne seras pas puni pour ça. Tu n'auras pas de péché. Tandis que si tu fais suivre ton regard, le premier par un deuxième, alors là, Hein? C'est là que tu tombes dans ce qui est haram. Parce que là, tu l'as fait intentionnellement à ce moment-là. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Continuera la suite au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.